C'est le bordel. Yeah. kill for fear fam or fight. I'm turned and terrified. Once if I can fly away, one step to another fight. Will it spin to modify? We'll be right back. say. Set me on mine. I'm giving a face in all of mine. I'm dancing on fire from my back. Seven of five. Don't tell I do. Thank you. not synchro. Vibrato. Not the good vibrato. Try to play in another version. I am looking for the lyric. Blue Hotel. I'm looking for the lyric. Blue Hotel. Okay. Yes. true or not? Putain, j'arrive pas à synchroniser. I try to synchronize. Blue Hotel. the good drum. C'est pas la bonne batterie, hein. Ça l'a retenu un peu. The good drum, yes. Ouais, la batterie c'est EZ drummer. Balade. Attends. Ah. Ok. Quelque chose en toi ne tourne pas. Un je ne sais quoi qui me laisse compte. Quelque chose en toi ne tourne pas. Je ne sais toi, non toi tu fais un rond. Je joue le train des bâtiments. Au murmure de la ville, le matin des pas. Où rien ne t'affole, j'aime encore. Ah, c'est une balade. Attends, je te fais une impro, hein. C'est une prison, oh yeah. Devil on. understand a man. Ah, il faut voter. On a déjà voté, putain, la sélection. Bon, le vote. Vote 140. Mieux. Merde, ça marche pas. Moi. Oh, vote. Qu'est-ce que j'ai fait comme truc ? Ah! Je vais suivre le synthétiseur. Tell them to pick up.